Je suis pas trop terre à terre, mais plutôt tête en l'air. Je fais pas de plan sur la comète et je me prends pas la tête. Je m'en fous des commentaires, aider on peut mieux faire. Moi je mangerai pas ma casquette pour que l'on m'accepte. Je suis bien les cheveux dans le vent et la fleur aux dents, sans me préoccuper de ce qu'on va en penser. Je m'en fous des soi-disant et j'écoute pas les gens. Je veux pas tout planifier pour y arriver. Je papillonne et j'ai le cœur grand ouvert. Je tourbillonne dans cette atmosphère. Je fais la conne et j'en suis plutôt fière. Je papillonne peut-être, mais je vais pas me laisser faire. Je papillonne et j'ai le cœur grand ouvert. Je tourbillonne dans cette atmosphère. Je fais la conne et j'en suis plutôt fière. Je papillonne peut-être, mais je vais pas me laisser faire. Ça m'empêche pas d'être sincère et pas rancunière. Je sais que je suis coquette avec mes papillons dans la tête. Je veux pas te faire la guerre, c'est pas mon univers. Mais je baisserai pas ma bringuette pour que l'on m'accepte. J'ai le sourire aux dents et je chante tout le temps. Mais je vais pas m'occuper de ceux qui veulent me voir tomber. Je fais mon truc simplement comme je l'aime vraiment. Et je veux pas me coucher pour y arriver. Non, quand même non. Je papillonne et j'ai le cœur grand ouvert. Je tourbillonne dans cette atmosphère. Je fais la conne et j'en suis plutôt fière. Je papillonne peut-être, mais je vais pas me laisser faire. Je papillonne et j'ai le cœur grand ouvert. Je tourbillonne dans cette atmosphère. Je fais la conne et j'en suis plutôt fière. Je papillonne peut-être, mais je vais pas me laisser faire.